Chapitre 7e, d'où s'explique. À l'heure dite, M. Desmarre et Allègre arrivaient au rendez-vous. L'inspecteur les attendait. « J'ai trouvé, » dit-il. « Votre compagnie est la Scotland Life Association. Son représentant est rue de Gramont. Nous allons le voir. » Ils descendirent. Morgin, qui était devenu très ingambe, siffla le premier taxi qui passa. Comme le chauffeur voulait discuter, il lui montra sa carte et en monta. Rue de Gramont, l'agent de la Scotland Life ne fit aucune difficulté. Il consulta ses livres. « Parfaitement, » dit-il. « Le 5 août 1876, la prime de 90 000 francs était payée à M. Ringade, rue de Paradis, sur production de l'acte de décès du sieur Louis-Antoine Allègre. Tout s'est fait régulièrement, vous le voyez. »« Nous n'en doutons pas, » répondit l'inspecteur. « Maintenant, allons chez Ringade. » Mais rue de Paradis, Ringade n'était plus là. Il était parti en 1876, après avoir touché le montant de l'assurance. On ignorait ce qu'il était devenu. Un mandat d'amener fut lancé contre lui. Il resta introuvable. Il avait dû changer de nom et recommencer ailleurs ses manœuvres frauduleuses. Quant au docteur Castel, il avait, au contact de ses pensionnaires, contracté la tuberculose et il était mort depuis un an. Une enquête fit constater qu'il avait réellement fondé sa maison de santé dans un but à la fois humanitaire et de spéculation. Le succès n'ayant pas répondu à ses espérances, les malades confiés à ses soins ayant rapidement succombé, il s'était trouvé sans clientèle, avait entrevu la ruine et avait cédé aux suggestions de son ami Ringade. Celui-ci lui avait procuré un vagabond, condamné, et qu'on avait, grâce aux papiers confiés par Allègre, inscrit sous le nom de celui-ci. Un jugement rectificatif rendit à Louis-Antoine Allègre le droit à l'existence. Il en profita pour épouser Germaine Desmarre, et il tient aujourd'hui le magasin de la rue des Dames. Quant à Pierre Mongin, le phoque, il a, en haussant les épaules, donné son appréciation sur cette affaire. « Pour partager 90 000 francs, ce n'est vraiment pas la peine de se faire fausser et voleur. Bon, si c'était des millions... Moi, à ce prix-là, j'aime mieux rester honnête homme. » Ainsi s'achève Le mort-vivant par Georges Grison.